Scénario rocambolesque. Le Français se voit réattribuer la médaille de bronze du 3000 mètres steeple suite à la disqualification du Kenyan Ezekiel Comboy. Pour Mayedine, la roue a tourné. Moi, je pense que la médaille, je l'ai gagnée sur le terrain parce qu'une fois que je l'ai vu sortir, psychologiquement, il comptait pour du beurre. C'est pour ça qu'à l'arrivée, on voit tout de suite ma joie parce que je dis à tout le monde, je suis troisième. Je suis fier d'apporter cette médaille pour l'équipe de France. Je marque l'histoire du sport français. Mimoun, il l'a fait, mais sur plusieurs disciplines. Il a marqué sa génération, c'était une autre époque. À moi de marquer la mienne. C'est la plus belle de mes médailles. Parce que par rapport à la difficulté, par rapport à d'où je reviens, par rapport au scénario, par rapport à tout ça, là, c'est la plus belle de mes médailles. Moi, ce que je veux, c'est répondre présent, c'est marquer l'histoire de mon sport. Je veux que les gens se rappellent de moi. Je veux être un exemple pour les jeunes. Je veux être comme un porte-drapeau et leur montrer que quand on croit en ses rêves, on peut réussir. Mayedine Mekissi au micro de Jean-Michel Rascol. En décathlon, Kevin Mayer est bien parti pour un podium. Le Dromois a enchaîné les records personnels hier sur 100 mètres, saut en longueur et lancé de poids. Avant d'attaquer la deuxième journée, il est actuellement quatrième de l'épreuve. De son côté, Christophe Lemaître est en finale du 200 mètres. Sur les pistes d'athlétisme, on est heureux. Sur les parquets de basket, on est amer. L'histoire retiendra que c'est Tony Parker lui-même qui a voulu finir ce match contre l'Espagne sur le banc. Son sélectionneur Vincent Collet voulait le remettre sur le terrain par respect pour sa dernière sous le maillot bleu. Mais le meneur de 34 ans lui a fait signe que c'était fini. Défaite 92-67, élimination et fin de carrière internationale. Les JO de Marie-Jo. Et Marie-Josée Pérec lui rend un hommage ce matin dans sa chronique Les JO de Marie-Jo. Tony Parker, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il répond toujours présent, il sait exactement comment booster son équipe et tout. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le garçon, il est formidable, quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été porte-drapeau. On avait envie que ça se termine magnifiquement bien, quoi. Et pour moi, dans ma tête, dans ma petite tête, c'était avec une médaille olympique. Et malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme cela. Moi, je suis allée en fait voir deux matchs. On avait l'impression qu'ils sont pas rentrés dans la compétition. En fait, on ne les a pas retrouvés avec le niveau qu'on connaît de cette équipe-là. Voilà, il n'y avait pas d'énergie, il manquait quelque chose. Même Tony, en général, il arrive à faire changer les choses, par sa manière de bouger, de parler, et en fait, il a manqué ça. Alors après, on peut penser que Tony avait l'esprit ailleurs, puisqu'il est papa depuis quelques jours, voilà, donc je pense qu'il a un peu raté sa sortie. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il a été fabuleux pendant des années pour cette équipe de France et c'est ce que j'ai envie de garder dans ma mémoire. Moi, j'ai envie de te dire, Tony, merci beaucoup pour toutes ces belles émotions et bravo. Marie-Josée Pérec avec Jean-Michel Rascol à Rio. Les courses? Elles ont lieu à Deauville aujourd'hui, les pronostics de Bernard Glass. Le 12, le 2, le 3, le 5, le 4, le 11, l'As et le 15. La dernière minute de Bernard, c'est le 4, Ken Faye. Merci Olivette. Vous mettez vos chaussures de marche? Évidemment. Parce qu'on va gravir ensemble la rue de la Montagne Sainte-Geneviève avec Laurent Deutsch. C'est parti. RTL 9h12. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le revêtement de sol stratifié 8 mm avec sous-couche de 2 mm, décor peint blanchi finition cirée, est à seulement 8,90€ le mètre carré. Offre limitée à 7112 bottes de 1,736 mètre carré à partir du 19 août 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. C'est toujours avant l'été que je me dis qu'il faut que je m'incise. Alors j'ai commencé comme jamais il y a 2 mois et j'ai déjà perdu 8 kilos. Et moi j'ai eu le déclic il y a seulement 15 jours quand je me suis vu en maillot sur la plage avec ma grosse bedaine. Et là, j'en suis déjà à moins 4 kilos avec comme j'aime. Nouveau, comme j'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Chers parents, à vos agendas. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Ça démarre quand ? C'est maintenant, avec des prix hallucinants sur la papeterie. À vous les bonnes notes en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont déjà chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 16 au 28 août, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Au fil des rues. Avec Laurent Deutsch. Sur RTL. Depuis le début de l'été, les rues de Paris n'ont plus de secret pour nous grâce à lui, grâce à sa science. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Jérôme, ça va ce matin ? En pleine forme, et il faut, car nous allons marcher et nous allons gravir ensemble la montagne Sainte-Geneviève. Oui, ce matin on va crapahuter, je vais vous emmener sur la rive gauche, dans une petite rue, qui est une petite rue sinueuse, mais terriblement importante et emblématique de Paris au Moyen-Âge, c'est la rue de la montagne Sainte-Geneviève. Alors, comme son nom l'indique, cette rue gravit la montagne Sainte-Geneviève, qui est le berceau de Paris au temps des Romains, et qui sera le berceau de l'Université de Paris au Moyen-Âge. Car en effet, c'est sur ces flancs, tout au long du XIIe siècle, que vont s'installer des collèges, dont les professeurs vont donner des cours qui seront pas forcément conformes au droit canon qui lui siège sur l'île de la Cité à Notre-Dame. En effet, ici, on y enseigne d'autres disciplines qui peuvent compléter, mais aussi contredire l'Église. Vous voyez, il y a comme un vent de liberté qui souffle sur cette montagne Sainte-Geneviève, sur la rive gauche. Ouais, c'est le Paris intello et rebelle. D'ailleurs, oui, c'est vrai, le Paris actuel est encore très influencé par cette époque, par cette rive gauche qu'on dit érudite, intellectuelle, bouillonnante, par rapport à une rive droite qui, elle, est plus laborieuse et plus bourgeoise. Et d'ailleurs, on dit encore à Paris que la rive gauche, c'est la ville où l'on pense, et la rive droite, c'est la ville où l'on dépense. Et c'est un Paris aussi où on fait la fête. Hein. Ah oui, oui, oui. Cette épine dorsale, cette grande séparation entre un Paris bouillonnant, qui chahute, qui fait la fête, et un Paris un peu plus sage, qui travaille et qui fait des affaires, eh bien, elle est née ici. Elle est donc née sur cette rue de la montagne Sainte-Geneviève. D'ailleurs, il suffit de l'emprunter. Quand vous montez cette rue, vous verrez sur la gauche que tout son flanc gauche est encore occupé par les anciens bâtiments de la prestigieuse école polytechnique, et le flanc droit, lui, est constellé de bars où je peux d'ailleurs vous emmener, car j'y ai mes habitudes. Maintenant ? Quand tu veux, après l'émission. À cette heure-ci ? On ira même jusqu'au sommet qui est chapeauté par l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève, qui aujourd'hui est occupée par le prestigieux lycée Henri IV. Bon, on y va juste pour se balader, pas pour boire. On s'arrêtera quand même pour se désaltérer. Hein. Rassure-moi. À demain, merci Laurent. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Et ils sont bien réveillés. Bonjour Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour. Ouais. Bonjour. En tout cas, c'est pas grâce à vous. Petit rappel. C'était ce matin à 8h10 en direct sur RTL. Avouons-le, nous sommes très inquiets, Caroline. Pourquoi ? Car nous avons oublié de réveiller tout à l'heure Bruno Guillon et Caroline Diamant. Pourtant, j'ai fait un nœud à mon mouchoir. Oula, on a complètement oublié. J'espère qu'ils sont bien réveillés et qu'ils seront avec nous à 9h15 tout à l'heure sur RTL pour le grand quiz. Alors oui, bon, nous sommes là, mais c'est pas grâce à vous. C'est le placard aux archives, c'est toujours douloureux. Nous, on attendait notre message parce qu'on dort ensemble maintenant avec Caroline, on peut le dire. On s'est dit que c'était plus simple de faire notre coming out. Voilà, et donc à 7h, ils disent, ils vont pas nous réveiller, ils vont pas nous réveiller, donc voilà, voilà. Et donc, bien vous êtes levé quand même. Ben oui, mais enfin là, on est en pyjama, quoi. C'est ça le problème. Bon, Jérôme, Caroline, on va vous retrouver demain. Avec plaisir. Demain, alors 6h30, on vous réveille. Oui, oui, point trop d'infos quand même. Oui, oui. On vous embrasse. Laissez-nous le temps de nous aimer. Ça y est, je vais avoir des images toute la journée. Et vous savez ce que c'est le problème, c'est que je commence à en avoir aussi. Allez, filez. Allez, bonne émission. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bic. Voilà, et tes cahiers, des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine, Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Il rentre dans la surface et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez 100% de la Ligue 1 et de la Champions League sur Canal+ et beIN Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal+ et Canal+ Sport, et les plus grands tournois de tennis sur Eurosport et beIN Sport. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, à CanalSat 100% Sport et à beIN Sport. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à l'aise ? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 € coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon Caroline Diamant. Bonjour, bienvenue sur RTL. Nous sommes aujourd'hui le 18 août. Et en ce 18 août, jusqu'à 11h, comme chaque matin, nous allons vous accompagner pour apprendre en s'amusant. Voilà, c'est un petit peu le principe du grand quiz de l'été. Vous allez jouer avec nous. Vous pouvez appeler maintenant le 3210. Vous pouvez envoyer RTL par SMS au 74 900. Et en répondant à nos questions, vous pourrez repartir avec des séjours à Disneyland Paris et avec des chèques de 1000 euros. Puisque quand vous enchaînez 10 bonnes réponses à nos questionnaires, il y a 1000 euros qui peuvent tomber. Ça a été le cas hier. Réécoutez. Eric, vous avez donné 11 bonnes réponses. Wow. Et 10 réponses d'affilée. Cela veut dire que dans un premier temps, vous gagnez 1000 euros cash. Yeah. Bravo! Ça, c'était hier. Et on a envie ce matin de refaire la même chose. Et cette voix féminine qui, derrière moi, faisait le bravo! Ça n'est autre que l'exceptionnelle, la ravissante Caroline Diamant. C'est pas très gentil. En plus, vous prenez une musique de prostituée. Oh, mais non, pas du tout. Alors là, Je suis doublement vexée. Une prostituée avec une voix d'homme. Mais non, justement, Pretty Woman, elle est magnifique. Oui, c'est vrai. Julia Roberts. Vous avez raison, je vois toujours le mal partout. Bonjour, chers auditeurs. Tellement contente d'être avec vous et Bruno Guillon. Bon, moi j'ai envie qu'on joue tout de suite. Allez, hop, allons-y. Maintenant que les présentations sont faites, si on accueillait tout de suite Isabelle qui a eu la bonne idée d'appeler le 3210. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, Montargis. Oui. Serrières en Gâtinais, pour être un peu plus précis. Tout à fait. Bah, Montargis, que l'on appelle la Venise du Gâtinais. Oui, très belle ville qui a été un peu malheureusement touchée par les inondations cette année, mais qui se relève petit à petit. Isabelle, voilà, on est une très belle ville. Musique d'accueil. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Bleu les yeux, Isabelle. Est-ce qu'Isabelle a les yeux bleus déjà dans un premier temps? Non, Isabelle, elle n'a pas les yeux bleus. Ah, bah c'est pas du jeu alors. Je vois que vous êtes infirmière, Isabelle. Oui, tout à fait. En vacances, c'est fait ou ça va se faire? Non. J'ai eu des périodes de vacances, mais là, je suis en zone de travail, en période de travail. D'accord. Passionnée par la lecture, la natation et la pétanque. Oui, tout à fait. Trois occupations que vous pratiquez rarement en même temps. Oui, non, vaut mieux pas, parce que le pétanque dans l'eau, c'était pas vraiment... Et puis Isabelle... On va pour la plonger. Moi, j'ai déjà vu ça. Quitte à parler de musique, là par contre, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Puisque mon but, Isabelle... Oh, génial, Scorpion. Ben oui, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions pour répondre aux questions de Caroline Diamant. Alors, pourquoi ne pas l'espace de quelques secondes avant de vous faire jouer danser collé serré sur Scorpion? Voilà. Scorpion, qui est un de vos groupes préférés. Oui, c'est vrai. On en a embrassé des gens sur ces chansons, Isabelle. Oui, on est de la même génération, donc Still Loving You. Hein. Oui. C'était l'époque où quand on embrassait une fille ou un garçon, on chronométrait. Là, ça fait que 40 secondes. Je vais dériver sur la montre. C'est ça. Et après, on se disait, alors c'est dans quel sens elle va tourner, à droite ou à gauche? Et puis alors, si elle partait dans le mauvais sens, on était embêtés. On se souvient de cette époque-là. Bon, vous allez tous partir dans le bon sens, Isabelle, Caroline et les auditeurs d'RTL. Ce sens nous conduit vers 7 minutes de questions, Isabelle, à laquelle il va falloir répondre. Très bien. Si vous avez un maximum de bonnes réponses, vous pourrez prétendre au séjour à Disneyland Paris que nous allons offrir à la fin de cette heure. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, en guise de cerise sur le gâteau, nous vous offrirons un chèque de 1000 euros. Isabelle, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Lequel de vos 5 sens est altéré si vous avez les portugaises ensablées? Les oreilles. Enfin, Louis. Quel acteur incarne le guerrier Conan dans le film Conan le Barbare? Je passe. À quelle femme politique Alain Souchon consacre-t-il une chanson en 1993? Thatcher. À quel moment de la journée l'expression potron minet est-elle associée? La soirée. Dans quelle grande ville de France se situe la célèbre place Bellecour? Je passe. De quelle couleur est le foulard porté habituellement par Lucky Luke? Rouge. Quel humoriste ponctue ses sketchs en disant pour toi public? Bigard. Où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot composé coffre-fort? Un coffre. Traditionnellement, quelle robe clôture un défilé de haute couture? La robe de mariée. Quelle saucisse accompagne traditionnellement le couscous? Les merguez. Et c'est bien pour la merguez. Oui. Isabelle. Oui. On va revenir sur vos bonnes réponses. On va revenir sur quelques-unes des mauvaises également. Le temps de faire un point sur tout ça, moi ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu de musique. Vous voulez bien ? Oui, je veux bien. On parlait de Scorpion tout à l'heure, et Still Loving You, c'était quasiment à la même époque que ce titre de In Excess. On est en 1984. Original Sin, c'est sur RTL. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream. A time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Moi, je fais du sport pendant les chansons sur RTL. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je fais ma gym matinale. In Excess, à l'instant, c'était Original Sin. RTL. Des Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour Market. En vacances, on prend le temps de cuisiner entre copains. Ce soir, paella au poulet. Je m'occupe des courses, Michel. Jusqu'au 21 août chez Carrefour Market, pour une barquette de cuisses et filets de poulet maître coq origine France achetée, la seconde est gratuite. Formidable. Et vous pouvez aussi apporter le dessert. Oui, c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Mes amis vont vous adorer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 980 grammes, blanc, jaune ou paprika. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais. Comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur l'imprimante Epson Workforce Multifonction jet d'encre à 75 euros, soit un bon d'achat de 37,50 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 22 au 28 août, produit signalé en magasin dans la limite des stocks. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Isabelle a joué avec nous il y a quelques minutes en direct sur RTL, à côté de Montargis où elle est infirmière. Isabelle. Oui. D'après vous, combien de bonnes réponses nous avez-vous données? On va tabler sur 5, je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu quelques trous, donc ça va tellement vite que du coup on est un peu désarmé. Isabelle, il faut y croire. Car comme le disait cette grande philosophe du XXe siècle... Voilà, donc nous avons la foi dans ce questionnaire et nous allons revoir ensemble vos réponses. À commencer par celle de cet acteur qui incarne dans le film de John Milius en 1982 Conan le Barbare. Vous avez passé, c'était Arnold. Arnold Schwarzenegger. Et évidemment, Arnold Schwarzenegger. Bon, je voyais bien physiquement, mais son nom, c'est voilà. Ils avaient dit que tu viendrais. Un homme du Nord. Un homme d'une très grande force. Un conquérant. Qui deviendra roi un jour de ses propres mains. Un homme qui écrasera les serpents de la terre. Qu'est-ce que tu as dit? Les serpents de la terre? Et alors, puisque c'est de la radio et que physiquement vous ne voyez pas trop forcément à quoi nous ressemblons, et bien si vous prenez Arnold Schwarzenegger et moi, nous n'avons aucun point commun. Hein, vraiment, c'est le truc qui ressort tout de suite. À quelle femme politique Alain Souchon consacre-t-il une chanson en 1993? Vous m'avez dit Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, c'était lui. Car aucune femme sur la planète sera jamais. Ah ouais, c'était Renault, je savais pas, enfin. Eh oui, c'était Renault. Peut-être Madame Thatcher. Mais la réponse que j'attendais, c'était Arlette Laguiller en 1993. C'était une chanson d'Alain Souchon. Quand Arlette chante, c'est du bleu de l'azur. Sur les usines et leurs grands murs. Les paroles, bien sûr, ont beaucoup d'usure. Mais elle chante avec un air pur. À quel moment de la journée l'expression potron miné est-elle associée? Des potrons minés, nous partons faire de la radio. C'est le matin. Ah ben voilà. La place Bellecour est à Lyon. Pour toi, public. Vous m'avez dit que c'était Jean-Marie Bigard. Mais non, écoutez la voix. Salut, public. Les femmes. Mais changeons de sujet, parlons d'amour. Tu sais ce que c'est que l'amour? I love you love me, I love you and nothing else but. Eh bien, je vais t'introduire dans l'univers de l'amoureux. Pour toi, public. Franck Dubosc, le comédien. Nous avions le coffre-fort. Où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot composé coffre-fort? Eh bien, vous me l'avez mis derrière coffre. Mettez-moi un aussi à fort. Il en faut deux. Ah, faut mettre deux. Eh oui. Non, et pour le reste... Pas très bon. Oh, c'est pas mal. Eh oh, c'est pas mal. Vous êtes la première candidate de la matinée, Isabelle. Ça veut dire un peu plus de stress que les autres. Et moi, je trouve que vous vous en êtes brillamment tiré. Pour preuve, vous avez quatre bonnes réponses, ce qui peut être suffisant pour repartir avec le séjour à Disney. Ce qui, en tout cas, est suffisant pour repartir dans un premier temps avec une montre RTL. Et d'accord, ben, Isabelle? Déjà, j'aurai une belle montre à mettre à mon poignet. Mais alors, après, vous pouvez la mettre au poignet. Il y en a qui la mettent mettre en serre-tête également. Moi, je suis très fine, je la mets autour du cou. Voilà, autour du cou. Voilà, enfin, vraiment, il y a plusieurs possibilités avec cette montre RTL. Nous vous l'offrons de bon cœur et on vous l'envoie du côté de Montargis. D'accord, Isabelle ? Eh ben, c'est gentil. Je voudrais en profiter pour faire un gros bisou à ma maman, qui est une fidèle auditrice de votre antenne. Et puis, également, un bon anniversaire à ma fille, qui a 17 ans aujourd'hui. Et ben, le message est passé. Comment s'appelle votre maman ? Maryse. Maryse ? Oui. Bon, très bien. Hop. Et votre fille ? Solène. Ouais, petite chanson. 3, 4. Maryse et Solène, on vous dit combien on vous aime. Solène et Maryse, ce matin on vous fait une bise. Voilà, hop. Ah ben voilà, vous connaissez le copain chiant en fin de soirée qui prend la guitare et qui la lâche plus. Oui, voilà. Voilà, n'invitez pas à dîner Bruno Guillon, visiblement. Ça va être un peu. Surtout ce matin, il vous charrie un petit peu. Oh, jamais, alors ça, vraiment jamais. Isabelle, on vous embrasse. Et ben moi également. Plein de baisers. Et moi nous également. Allons continuer. Merci à vous deux. Et ben, nos matinées vraiment super charmantes. Et ben ça fait plaisir. Bon, et si on accueillait Thierry ? Parce que Thierry, lui, il est là déjà. Thierry, il se dit, mais moi j'ai envie d'essayer de faire mieux que 4. Accueil musical pour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Caroline. Bonjour Thierry, bienvenue sur bonjour RTL. Vous nous appelez de Mondeville, près de Caen. Oui, c'est ça, oui. Alors, quelle est votre profession ? Je suis jardinier à la ville de Caen. Ah, vous faites de belles choses, vous travaillez au milieu des fleurs, des arbres. Tout le temps, oui. Tout bah, il est jardinier, donc forcément. Sinon. Mais j'ai le droit de mettre un peu de poésie. J'imaginais son. Voilà, nous sommes dans un studio sans fenêtre, nous ne voyons pas le jour. J'imaginais son cadre bucolique, les petites fleurs, une petite brise qui passe. C'est joli. Voilà, exactement. Peut-être une petite belle des champs qui se balade avec un panier, son fromage. Oui. Alors, vous aimez le cyclisme et l'histoire ? Oui, tout à fait, oui. Alors, l'histoire, c'est-à-dire ? Guillaume le Conquérant, parce que c'est un homme historique de chez nous. Et en fait, le 150e anniversaire de la bataille d'Hastings cette année, chez nous, en Normandie. D'accord. Donc, je suis fan de Guillaume le Conquérant. Ah, donc alors, vous êtes en train de m'enlever un truc. Thierry, c'était pas un cahier à la place. Non. Ah bah, d'accord. Écoutez, bah, je vais le noter, parce que moi, je découvre. Et puis, je veux dire que Bruno était très bien à Fort Boyard samedi. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Il y avait la petite larme à la fin, quand même, c'était touchant. Oui, non, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais on fait Fort Boyard pour une association, et je m'occupe d'une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer et qui s'occupe, qui vient en aide aux enfants malades du cancer. Et c'est vrai qu'on était très contents pour ça, d'avoir plus de 10 000 euros, même s'il fallait passer par. Voilà, par les serpents. Par les serpents. Bon, Thierry, vous n'allez pas passer par les serpents. Vous allez juste passer entre les mains de Bruno Guillon qui et va puis, vous passer à la question. J'écoute Caroline tous les après-midi aux grosses têtes. Hein. Ah, quand même, je me disais. Ah oui. Ah aussi, vous êtes formidable quand même. Ah oh, ben on est d'accord. Oh, cela dit, dans les grosses têtes, il y a quelques langues de vipères. Pour faire un petit parallèle cadeau, quand même, pour avec, Caroline, hein. Avec les serpents. Bon, allez Thierry, je vous pose les questions. Une minute de questions, un maximum de bonnes réponses. Minima 4 en tout cas, pour pouvoir espérer repartir avec un séjour à Disneyland Paris à la fin de 7h. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Quelle était la couleur du fameux bonnet du commandant Cousteau ? Rouge. En France, quel numéro d'urgence doit-on faire pour joindre la police ? Le 17. Qu'est-ce que la soufrière en Guadeloupe ? C'est un volcan. En France, combien de jours fériés y a-t-il au mois de novembre ? 2. Qui était le DJ attitré de Thierry Ardisson dans son émission Tout le monde en parle ? Je m'en rappelle plus. Quel nom de poisson désigne un piquet de tente de camping ? Une sardine. En France, quels représentants sont élus à l'issue des élections législatives ? Les députés. Qu'est-ce qu'une babouchka pour les Russes ? Un bonnet. Quel est le prénom d'Olivia Newton-John dans le film Grease ? Je sais pas. Qui fut l'auteur de la chanson Faut rigoler chantée par Henri Salvador ? Boris Vian. Qui est l'auteur du recueil de poèmes Les fleurs du mal ? Baudelaire. Comment s'appelait la mascotte de la Coupe du Monde de football en 1998 ? Footix. Sous quel nom est plus connu le néerlandais Wouter Levenbach ? Je sais pas. Wouter Levenbach, vous ne savez pas qui c'est ? Non. C'est Wouter Levenbach. Et voir oui. Mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Dev, qui est un être délicieux, aurait-il eu la même carrière sous le nom de Wouter ? Alors, je crois pas, non. Oh, il y a certainement de grandes chances que non. Mais c'est joli, Footer, je trouve. Oh, ouais, oui. S'il était resté en néerlandais. Allez, Thierry, combien de bonnes réponses ? Nous allons le savoir dans quelques instants. Nous revenons sur vos réponses avec Caroline Diamant. Alors, en France, le numéro d'urgence, oui, c'est le 17 pour joindre la police. La soufrière est un volcan. Alors, en revanche, le DJ qui accompagnait Thierry Ardisson dans son émission Tout le monde en parle. Rappelez-vous, avec ce bel accent, c'était Philippe Corti. Bien, on passe au blind test. Et pour arbitrer le blind test, j'appelle Monsieur Philippe Corti. Une babouchka, vous avez cherché longtemps où est-ce que ça se met. Alors, en revanche, on sentait que vous hésitiez entre des chaussures et la tête. Vous avez dit un bonnet, c'est une grand-mère. Donc ça se pose sur un petit fauteuil à bascule, dans un coin. Mais donc, si on met sa grand-mère sur sa tête pour avoir moins froid, ça peut choquer. Ça peut choquer. Le prénom d'Olivia Newton-John dans le film Grease, moi je ne peux pas l'oublier, c'est Sandy. Le reste, mon cher Thierry, toutes les autres réponses que vous avez données sont bonnes. Même Baudelaire, ils vous l'ont compté Baudelaire. Ah oui, forcément. Non, tout est bon, de Footix à Boris Vian pour la chanson d'Henri Salvador. Non, bravo. Thierry. Oui. D'après vous, combien de bonnes réponses? Bon, j'ai pas compté. Je dirais 8 à peu près. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez obtenu 9. Bonne réponse. Ah oui, c'est mieux. Oui, c'est pas. Ça va être juste. Hein. 9 bonnes réponses, c'est pas mal. Ça peut être battu, mais c'est pas mal. Dans un premier temps, Thierry, nous vous offrons une montre RTL. Ah, c'est gentil, merci. On vous embrasse. C'est un grand plaisir de jouer avec vous. Vous êtes formidable, ça va être chouette. Ouais. Eh ben, ça fait plaisir, Thierry. Peut-être à tout à l'heure avant 10h. Moi, ouais, j'espère bien, ça serait bien. On vous embrasse. Le 3210, c'est le numéro que vont composer désormais vos challengers. Ceux qui vont tenter de faire aussi bien que 9, voire mieux, pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris et des chèques de 1000 euros. Les questions de l'histoire. Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire. Découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute les Chinois. En fait, c'est Ford. Ah oui, ah. On en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5800 euros. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Wepa! Alain Afflelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août chez Afflelou. Oui. Chin Chin, cet été ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 € de plus. Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour 1 € de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Tu me mets au parfum? Ah, bien senti patron, hein. Parce qu'ici, en ce moment, le savon de Provence développé à partir de parfums de grâce est à 99 centimes la pièce de 100 grammes. Moins d'un euro le savon de Provence chez Lidl. Là je le sens pas, tu vois. Ah oui, mais 99 centimes, c'est le vrai prix. Et il y a le choix, hein. Olive, cannelle orange, rose, lavande et patchouli. Toi, si t'arrêtes pas de te faire mousser. Vous me passez un savon, je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. C'est toujours avant l'été que je me dis qu'il faut que je m'incise. Alors j'ai commencé comme jamais il y a 2 mois et j'ai déjà perdu 8 kilos. Et moi j'ai eu le déclic il y a seulement 15 jours quand je me suis vu en maillot sur la plage avec ma grosse bedaine. Et là, j'en suis déjà à moins 4 kilos avec comme j'aime. Nouveau, comme j'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Intersport. Chloé, tu peux venir m'aider à faire mon nœud de cravate, s'il te plaît? Chloé, j'arrive pas à défaire le double nœud de mes lacets. C'est pas vrai, si t'avais l'âge, j'irais chez Intersport t'acheter des baskets à scratch Hermès à 14,99€. Ah ouais, ça aurait été trop cool. Arrête de faire l'enfant, Paul. C'est ce qui dit qui est. Arrête. En ce moment, chez Intersport, les chaussures enfants Hermès Low sont à 14,99€ au lieu de 29,99€, soit 50% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et c'est tous les matins, 9h15-11h en direct sur RTL. J'ai envie de vous raconter les coulisses de cette émission qui, somme toute, débute dès 8h du matin où nous nous retrouvons ici en studio avec François Touchard, le réalisateur. J'arrive, bonjour François. Ensuite, il y a Jules, il y a Amandine qui arrive, il y a Véronique, il prépare les questions. Comment ça va? Ça va bien. Allez hop, on boit un café ensemble. Et puis ensuite arrive Caroline Diamant. Caroline Diamant rentre dans ce studio, prend ses feuilles qui lui ont été préparées, regarde la programmation musicale et à un moment dit « Je veux que l'on écoute Imani, Don't Be So Shy ». Et ce que Caroline Diamant veut, Dieu le veut. Donc nous écoutons Imani, Don't Be So Shy. Et en l'écoutant, où que vous soyez, chez vous, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, avec moi, vous pouvez crier « Gloire à Caroline ! Gloire à moi !» Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Shy. Elle est contente, Caroline Diamant, ça lui a fait plaisir. I'm not so shy. C'était Imani sur RTL. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Nous sommes à Varennes-Vauzelles. Bon vin du côté de Varennes-Vauzelles. Et il y a Sylvie qui nous y attend. Bonjour Sylvie. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Sylvie, bienvenue sur RTL. Merci. Comment allez-vous Sylvie? Ça va très bien. Eh bien, ça s'entend, vous êtes souriante. En vacances? Le soleil revient. Non, pas encore. D'accord, vous faites dans quoi dans la vie? Je suis responsable commercial. D'accord, très bien. Dans 15 jours, les vacances, c'est une bonne idée. Vous partez au moment où tout le monde revient. Résultat? Mais oui, résultat, la plage est pour vous, les restaurants n'attendent que vous, les gens sont souriants, passez le traumatisme de l'été, ils ont du temps pour vous. Vous partez où, Sylvie? À Propriano. Propriano en Corse. Exciting and new. Ah bah oui, mais là je suis désolé, je suis obligé d'enlever la musique. Hein. Propriano, c'est plus. Hey, Je vous envie, Sylvie. Vous aimez broder, vous aimez tricoter. Oui, oui. Et puis le pliage de livres également. Le pliage de livres ? Oui. C'est-à-dire, vous les lisez et puis après, vous les faites en petit. Alors, je peux les lire et ensuite, je les plie de telle sorte que, au final, on obtient une figure. Voilà. Ça peut être une origami, un peu, c'est ça ? En quelque sorte, oui. Mais ça, j'ai déjà vu ça. Alors, vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, mais on peut voir ça, un livre un peu plié chez un fleuriste avec autour des fleurs pour faire une composition ? Oui. Et ben voilà, ben je l'ai vu là. Ah oui, moi j'ai vu un peu plié dans un jardin. Et merci. Je trouve ça que... Mais il n'y a pas de souci. Oui, je l'ai loupé. Bon, non, franchement. On va pas passer la journée dessus. Très bonne blague. Sylvie, un peu de musique. Extrait de Mozart, l'opéra rock que vous appréciez tout particulièrement. Oui. Il y avait cette chanson, la Saint-Symphonie. Bon, Sylvie. Oui. 9 bonnes réponses. C'est le score à battre pour gagner le séjour à Disneyland Paris. C'est le score atteint par Thierry. Vous allez tenter de répondre aux questions que va vous poser Caroline Diamant. D'accord. Et elle va le faire en direct sur RTL juste après ça. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage Chabrieur, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'au 13 septembre, jusqu'à moins 40% sur les tops de la rentrée chez Conforama. Moi je vous le dis, elle va être top cette rentrée. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15€ par tranche de 100€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15€ par tranche de 100€, magasin participant sur bricomarché.com. Bonne année scolaire avec Carrefour. Claire, t'as vu ça ? Jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 3 stylos Pilot Friction Ball. Je sais, en plus tu peux effacer avec. Mais voilà ce qu'il nous faut pour la rentrée. Ce qu'il te faut toi plutôt, parce que moi je ne fais jamais de faute. Quoi ? Je rigole. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque, comme le lot de 3 stylos Pilot Friction Ball. Le lot de 3 rollers Friction Ball plus 3 recharges bleues, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. RTL, le grand quiz de l'été. Sylvie. Oui. Elle a beaucoup de questions à vous poser. Elle est derrière. Elle court après les questions. On se croirait dans un jeu vidéo un peu. Question. C'est Caroline Diamant qui vous les pose. Voilà. Oui, Sylvie, à minima, 9 bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Top chrono. Quel âge minimal faut-il avoir pour concourir au titre de Miss France ? 18 ans. De quelle région viticole le vin de Bourgueil est-il un cru ? La Bourgogne. Dans un film de Georges Lautner, quel surnom donne-t-on aux agents secrets ? Les bœufs carottes. À quelle vitamine l'acide ascorbique correspond-il ? L'aspirine. De quel département la ville d'Évreux est-elle le chef-lieu ? La Seine-et-Marne. Quel cadeau Thérèse offre-t-elle à Pierre dont le Père Noël est une ordure ? un pull tricoté de sa main. De quel entraîneur Laure Manaudou s'est-elle séparée en mai 2007? Lucas. De quel pays Adriana Carambeu est-elle originaire? La Finlande. Au Mexique, qu'est-ce qu'un mariachi? Un plat. Quel était le prénom de Labiche, auteur de pièces de théâtre? Passe. C'était Eugène. Pierre, là, je peux vous dire que Labiche, en ce moment, oui, je suis dedans jusqu'au cou, puisque je suis en train d'apprendre le chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. Et je peux vous dire que je passe tous mes après-midi avec lui. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir le rôle principal qui est Fadinard dans cette pièce qui sera jouée et qui sera diffusée sur France 2 pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. Le rôle principal, bravo. Ben oui, je ne me mettais pas la pression, je me la mets bien tout seul déjà, c'est, je peux vous le dire. Bon, alors, cher Sylvie, nous allons revenir sur vos différentes réponses. C'est la catastrophe. Si vous le voulez bien, ça n'est pas une catastrophe, je vous rassure. Bon, alors c'est vrai que par contre, vous risquez d'être déçus. Si en arrivant au Mexique, vous commandez un mariachi en espérant manger quelque chose, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver à côté de vous. Ah d'accord. Oui. D'accord. Il n'y aura qui rien à manger de, a priori. Qui va jouer de la musique, c'est un musicien, un mariachi. Elle n'est pas finlandaise, Adriana Carambeu. Du haut de ses jambes de 7,60 m, elle est slovaque. Ah oui. Vous m'avez dit un pull pour ce cadeau que Thérèse offre à Pierre dans Le Père Noël est une ordure. Anémone, Thierry Lhermitte. Bon, ce n'est pas un pull, c'est un gilet, mais on vous l'a compté car oui, ça a été tricoté à la main. Et le mieux, c'est de réécouter cet extrait magique. Puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous ne devrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah ben, alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors. Je suis ravi. Et après, je me disais justement hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Oui, je connais le film par cœur. La Seine-et-Marne, c'est ce que vous m'avez répondu pour ce département où Évreux, c'est le chef-lieu. Non, c'est l'Eure. L'Eure, oui. À quelle vitamine l'acide ascorbique correspond-il? Ah, la vitamine D. Et la C. Mmh. Et enfin, vous m'avez dit les bœufs-carottes pour le film de Georges Lautner, ce surnom que l'on donne aux agents secrets. Les bœufs-carottes, c'est le surnom que l'on donne à la police des polices. Oui, oui, oui, mais alors je vois pas du tout. Ce sont les barbouzes, film de Georges Lautner. Ah oui, c'est très vieux avec. Extrait. Voilà, je ne m'appelle pas Ludovic. Et je ne suis pas votre cousin. Ça n'a pas l'air de vous étonner. Vous savez, quand un monsieur inconnu ramène chez vous votre mari mort, dynamite la salle de bain et jette les visiteurs par la fenêtre, on prend l'habitude de ne plus s'étonner de grand-chose. Alors vous êtes quoi? Barbouze. Pardon? Agent secret. Enfin, secret jusqu'à maintenant. Vous voulez dire un espion? Un contre-espion. Avec l'excellentissime Lino Ventura. La Touraine, c'est là où on va trouver le vin de Bourgueil, Indre-et-Loire. Au total, combien de bonnes réponses, Sylvie? Pas beaucoup. 3 ou 4. Eh bien, vous en avez 3. 3, ce sera insuffisant pour le séjour, oui, mais c'est suffisant pour vous offrir une montre RTL qu'on vous envoie bien vite du côté de Varennes-Vauzel. D'accord, Sylvie? Je vous remercie, c'est gentil. Bonne journée à vous. Merci. Et puis bravo pour votre émission. Bravo RTL. C'est très gentil, merci Sylvie. On vous embrasse. Moi aussi, au revoir. Le suspense est à son comble. Mais qui va gagner ce séjour? Séjour à Disneyland Paris, nous allons le donner et nous allons le savoir dans moins d'une minute sur l'antenne d'RTL. Carrefour Market. Mon petit neveu, il est si sage en classe qu'on lui donne plein d'images. Il en colle partout. Ah, ça tombe bien, Michel. Pour la rentrée, chez Carrefour Market, il y a plein de promos. Par exemple, en ce moment, il y a 50% d'économies sur la carte de fidélité sur le lot de 2 bâtons de colle U. Côté promo, vous êtes vraiment incollable. Et c'est aussi valable sur de nombreux essentiels de la rentrée. Bravo, je vous donne un bon point. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économies. 2 x 21 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. C'est toujours avant l'été que je me dis qu'il faut que je m'incise. Alors j'ai commencé comme jamais il y a 2 mois et j'ai déjà perdu 8 kilos. Et moi j'ai eu le déclic il y a seulement 15 jours quand je me suis vu en maillot sur la plage avec ma grosse bedaine. Et là, j'en suis déjà à moins 4 kilos avec comme j'aime. Nouveau, comme j'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Géant, ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur la centrale vapeur Calor à 129€, soit un bon d'achat de 64,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 22 au 28 août, produit signalé en magasin dans la limite des stocks. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Avant qu'il avait un petit peu tué le suspense avec ses 9 bonnes réponses. Thierry ! Oui ? Thierry, 9 bonnes réponses. Libéré. Vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Ah, je suis très content, oui. Vous allez partir à 4 à l'hôtel Sequoia Lodge pour une nuit, mais vous passerez 2 jours de rêve. Les entrées seront illimitées pour les 2 parcs. Disneyland Paris et Walt Disney Studios, ça vous donnera l'occasion de découvrir le nouveau spectacle Mickey et le Magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Vous allez partir avec qui, Thierry ? Ben, je pense que je vais me faire profiter mes enfants. J'ai 2 enfants, ils partiront avec des amis. Je pense qu'ils seront plus ben c'est gentil. C'est sympathique de votre part, Thierry. Ouais. Ben, c'est logique. Et ben ce séjour est offert et avec grand plaisir. On vous embrasse, Thierry. Pareillement, je vous embrasse aussi. Puis continuez, c'est super chouette. Et ben écoutez, c'est merci, très gentil. Merci, félicitations. Et en plus, vous vous privez de vacances pour nous. C'est bien. C'est bien de le remarquer. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Non, et on va prendre un bon gros week-end de vacances d'été avant de reprendre chacun nos habitudes avec Caroline. Thierry, on vous embrasse. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'il y a dès maintenant un autre séjour à Disneyland Paris à vous offrir et que dès maintenant, vous pouvez tenter de le gagner en appelant le 3210. C'est la deuxième partie du grand quiz de l'été qui va débuter après les infos, car vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Gauthier de Lombugard. Bonjour Gauthier. Bonjour Caroline, bonjour Bruno, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les Jeux Olympiques de Rio. RTL, Rio 2016. Un nouveau titre olympique pour l'équitation tricolore après le concours complet, c'est le saut d'obstacle par équipe qui offre une médaille d'or à la France. Cela n'était plus arrivé depuis 40 ans. Une seule autre médaille hier sur la piste d'athlétisme. Mayedine Mekissi prend le bronze sur 3000 mètres steeple après la disqualification du coureur kényan Ezekiel Kemboi. Troisième podium de suite pour le tricolore après Pékin en 2008 et Londres en 2012. Et puis sur le 200 mètres, Christophe Lemaître se qualifie pour la finale. Il va défier Usain Bolt. Du sourire également sur les visage des handballeurs, les experts en route vers le triplé olympique après leur victoire en quart de finale 34-27 face au Brésil. Il faudra désormais battre les Allemands pour accéder à la finale. Énorme déception en revanche sur les parquets de basket. L'Espagne étrille l'équipe de France 92-67 en quart de finale. Les Bleus ont été dépassés à tous les niveaux. Pas de médaille olympique donc pour ce qu'on appelle la génération Parker. Tony Parker qui tire d'ailleurs sa révérence et annonce sa retraite internationale. Dans le reste de l'actualité, le taux de chômage recule de 0,3 points au deuxième trimestre. Il se situe autour de 9,6% en métropole, avec près de 2,8 millions de chômeurs. La bourse de Paris, elle ouvre en hausse de 0,53% à 4 441 points. 3 alpinistes ont trouvé la mort hier dans le massif du Mont Blanc. Les victimes sont 2 femmes, une Slovaque et une Anglo-Polonaise, ainsi que leur guide allemand. Ces 3 personnes évoluaient dans un couloir du Mont Maudit lorsqu'elles ont été prises dans une avalanche de sérac. Ce sont de gros blocs de glace. Leurs corps ont été retrouvés. Une personne est toujours à l'hôpital ce matin, prise en charge en urgence absolue après l'accident d'un TER hier dans l'Hérault. Au total, 8 personnes ont été blessées. Le train a percuté un arbre tombé sur la voie à près de 140 km/h à hauteur de la commune de Saint-Aunay. Après la risque de Cisco en Corse, 5 personnes sont jugées aujourd'hui en comparution immédiate. Il s'agit de 3 frères d'une famille maghrébine et de 2 habitants de Cisco. Ces hommes sont soupçonnés d'être impliqués dans cette bagarre qui a fait 5 blessés légers samedi dernier. Les obsèques de Georges Seguy se déroule ce matin dans moins d'une heure avec une cérémonie publique au cimetière de Vieille Maison sur Joudry dans le Loiret. Cet ancien leader de la CGT de 1967 à 1982 est décédé samedi. La Confédération lui rendra un hommage national le mois prochain. Les courses à Deauville aujourd'hui, Bernard Glass vous conseille de jouer le 12, le 2, le 3, le 5, le 4, le 11, l'As et le 15. Et la dernière minute de Bernard, le 4, Ken Faye. La météo de votre jeudi, un temps pluvieux et orageux des Hauts-de-France jusqu'en Franche-Comté, quelques averses en Auvergne-Rhône-Alpes, partout ailleurs du soleil, notamment sur la Côte d'Azur. Les températures, elles sont en baisse de 21 à 33 degrés. Il fera notamment 21 à Brest, 22 à Calais, 24 à Lille et Nantes, 26 à Bordeaux, 27 à Lyon, 28 à Toulouse, 30 à Perpignan et 31 à Marseille. RTL, 10h, passé de 3 minutes et on vous retrouve Bruno Guillon, Caroline Diamant pour le grand quiz de l'été. Merci Gauthier. Et nous, on vous retrouvera tout à l'heure dès 11h sur RTL. A tout à l'heure. RTL. Bonjour, c'est Georges. Soutenir les Restos du Cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis en distribuant des paniers repas équilibrés à cuisiner chez soi, des repas chauds pour ceux qui n'ont pas de toit et en apportant une aide plus spécifique aux bébés. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restosducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. RTL autour du monde. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL autour du monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur le nettoyeur vapeur Polti Vaporetto Smart 30 Silver à 69€, soit un bon d'achat de 34,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 22 au 28 août, produit signalé en magasin, dans la limite des stocks. C'est toujours avant l'été que je me dis qu'il faut que je m'incise. Alors j'ai commencé comme jamais il y a 2 mois et j'ai déjà perdu 8 kilos. Et moi j'ai eu le déclic il y a seulement 15 jours quand je me suis vu en maillot sur la plage avec ma grosse bedaine. Et là, j'en suis déjà à moins 4 kilos avec Comme J'aime. Nouveau, Comme J'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est la deuxième heure du grand quiz de l'été. Merci de nous être fidèles tous les jours. 9h15, 11h. C'est en direct sur RTL. C'est avec Caroline Diamant. Bonjour. On l'a eu tout à l'heure. Dieu m'a donné la foi, ça suffit. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, on est bien, on est avec vous. Vous êtes en vacances peut-être ou au travail. Peut-être qu'on peut rajouter une chambre d'écho quand elle anime comme ça, Caroline Diamant, puisque là j'ai l'impression d'être dans une fête foraine et merci. De faire des auto-tamponneuses. Est-ce qu'on peut refaire ce bonjour? Bonjour Caroline Diamant. Bonjour, contente d'être là avec vous. Venez jouer nombreux au quiz RTL. Appelez le 30 délices. Ça suffit. Vous envoyez RTL au 74 900. Vous savez pas qu'on peut pas m'arrêter? Personne ne vous l'a dit. Ouais, les messieurs en blouse blanche vont rentrer dans ce studio. Attendez, si c'est Docteur Mamour, j'y vais sans qu'il ait rien à me demander. Je voudrais pas vous spoiler Grey's Anatomy, mais Docteur Mamour, ça va être compliqué quand même. Bon, allez, grand quiz de l'été, c'est la deuxième heure. Il y a un nouveau séjour à Disneyland Paris à vous offrir à partir de maintenant. Séjour pour 4 personnes. Vous voulez le gagner, vous appelez le 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Première auditrice de cette nouvelle heure, elle nous appelle d'à côté de Chaland, Vendée. Il s'agit de Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Cindy, quelle pêche vous avez dans la voix. Ah oui, je suis très heureuse d'être avec vous. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui. Alors, vous avez 31 ans, vous êtes toute jeune. Oui. Enfin, c'est ce que disent les vieux en général. Quand ils parlent à quelqu'un de 30 ans. Non, non. Et vous aimez, j'adore ça, mais moi, j'en fais pas, je regarde, la Zumba. Oui. Et le jardinage. Ça. Et ça, le jardinage, j'aime pas. Mais la Zumba, vous en faites fréquemment? Oui, j'en fais toute l'année, 1 heure par semaine, mais ça me fait du bien. Ça me décompresse, avec 3 enfants, j'en ai besoin. Ah, ils ont quel âge les enfants? Alors, ils ont 10, 6 et 2. Mais dites-moi, vous avez été prolixe, comme ça qu'on dit? Oui. Non, prolifique? Ouais, oui. Ouais, parce que prolixe, oui, non, c'est non. Pas... Mais vous écoutez quoi, lancez des adjectifs comme ça, et, ou des mots, et puis nous, oui, après... Oui, cherchez dans le Larousse voilà, et revenez me dire si c'est le bon mot, vous c'est avez un nouveau été moquette. Cindy. Oui. Alors, à défaut d'écouter de la Zumba, vous savez quoi? Moi, j'ai votre prénom qui m'inspire. Parce que Cindy, c'est le prénom d'une artiste des années 80 dont je suis fan. Bah oui, c'est à cause de... C'est à cause d'elle que vous vous êtes appelée comme ça? Oui, mes parents m'ont appelée Cindy à cause de Cindy Lauper, à cause de cette chanson, justement. Extraordinaire. Ah, c'est génial. Oui. Et alors, c'est vrai que quand on parle de Cyndi Lauper, on parle de cette chanson. Moi, il y a un passage de Cyndi Lauper qui, à chaque fois, mais me fait soulever. Regardez, je vais vous montrer mon bras. Vous allez voir, j'ai la chair de poule. C'est automatique. C'est quand Cyndi Lauper chante dans le collectif USA for Africa, la montée sur We Are the World. Oui. Chair de poule. C'est vrai. Vous avez vu, j'ai vraiment un char de poule. Ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, oui. On devrait faire venir un huissier et faire un concours de les chansons qui soulèvent le mieux les poils. C'est vrai. Bon, Cyndi. Oui. C'est vous qui attaquez cette heure, c'est vous qui allez donc faire le premier score. Ah, j'ai la pression là. Ben, je sais. Pourtant, j'ai essayé de vous l'enlever la pression avec Lucine. Oui, oui. Il va falloir tenter de donner un maximum de bonnes réponses. D'accord. Si vous voulez repartir avec le séjour à Disney. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Eh bien, nous y allons, top la chrono. Quel objet est représenté sur un panneau routier annonçant un débit de boisson? Passe. Quel numéro à Nier Fernand Reynaud cherche-t-il à joindre dans un sketch? Ah, je passe. Comment appelle-t-on l'étude des champignons? Je passe. Qui est l'interprète de Purple Rain en 1984? Prince. Quelle est la profession du père du petit poussé? Passe. Quel était le prénom de Robespierre surnommé l'incorruptible? Auguste. Quel acte manqué consiste à dire un mot à la place d'un autre? Ah, je sais pas. Oh là. Quel héros de bande dessinée a été confronté à la momie de Raskar Kapak? Je sais pas. En 1967, quelle comédienne est belle de jour dans le film de Louise Buniel? Je sais pas. Avec combien de dés joue-t-on au Yams? De 3. Dans quel membre du corps humain le cubitus se situe-t-il? Dans le bras. Ouais, c'est dans le bras. J'ai mal prononcé Louise Buniel et je m'en excuse. Ah, oui, l'erreur oui, est réparée. Bon, Cyndi. Oui. Combien de bonnes réponses? Ça, Je dirais 2. Nous allons le savoir dans quelques secondes. On va revenir sur quelques-unes de vos réponses avec la belle et douce Caroline Diamant. D'accord. L'objet représenté sur un panneau routier qui annonce un débit de boisson, c'est une tasse. Ah, oui. Voilà. Le stress. Mais le stress, j'avoue bien. Fernand Reynaud, dans son célèbre sketch Quel numéro à Nier, essaye de joindre le 22. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Allô? Bonjour Georgette. Je t'ai reconnu à la voix. Comment vas-tu? Ici c'est Madeleine. Où c'est que t'as été danser samedi? À la salle Wagram? Oh, moi j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Vous êtes vraiment pardonné parce qu'il y a tellement d'humoristes nouveaux toujours. Oui. Que parfois c'est difficile pour votre génération mais de connaître Reynaud, vraiment bien les anciens. Il faut reconnaître. Il en avait quand même beaucoup. Allô tonton, pourquoi tu tousses? Oui, mais je vous pardonne complètement. Le défi. Merci Caroline, merci. Mais je vous pardonne aussi. Cindy. Alors comment appelle-t-on l'étude des champignons? Et je remercie nos équipes d'auteurs pour cette question qui fait rêver. C'est la mycologie. Voilà. Ah voilà. Ça marche aussi avec dermatologue ou pas? L'interprète de Purple Rain, vous l'avez reconnu, c'est Prince. Ouais. Unique. Alors en revanche, la profession du père du petit pousset, si vous êtes fan de Florence Foresti et son fameux sketch sur sa nounou et l'histoire. Mais je cherchais, mais j'avais plus en tête. Il est bûcheron. Bûcheron, voilà. Voilà. Parce que je l'ai raconté à mes enfants, en plus, il n'y a pas longtemps. Bah voilà. Alors, le prénom de Robespierre n'est pas Auguste, mais Maximilien. Ah, c'est pas Kevin? Et on peut, je crois qu'on peut le lui donner. On peut l'appeler soit Maximilien de Robespierre, on peut l'appeler avec ou sans sa particule. Enfin, maintenant, l'appeler, ça sert pas à grand chose. Il est pas très en forme. Il répondrait pas quoi qu'il arrive. Alors, l'acte manqué consiste à dire un mot à la place d'un autre. Ben, c'était un lapsus. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai dit prolixe au lieu de prolifique. Vous voyez? Voilà. Comme quoi ça arrive à des gens avec un QI très élevé aussi. Mais tout à fait. Le héros de BD confronté à la momie de Raskar Kabak. C'est l'amoureux de Bruno Guillon, Tintin. Mais oui, Tintin, c'est dans les 7 boules de cristal. Raskar Kabak. Voilà. Le stress. Et cette merveilleuse comédienne si belle dans le film de Louise Buñuel, c'est Catherine Deneuve. Tu te souviens d'Henriette? Oui, très bien. Il paraît qu'elle va régulièrement faire des passes. Comment? Oui, dans une maison de rendez-vous. Tiens. Oh, tu te rends compte, Henriette? C'est vrai que toi, tu es tellement loin de tout ça. Non. Bah, tu réalises, c'est vrai. Une femme comme toi et moi, tu la vois avec n'importe qui. Quand on est là-dedans, sûrement, on n'a pas le choix, il faut prendre ce qui vient. Les vieux, les pas vieux, les moches, les pas moches. Déjà, avec un homme qu'on aime bien, il y a des moments désagréables. Une ravissante bourgeoise qu'elle joue dans ce film, qui devient un peu coquine les après-midi pour mettre un peu de piment dans sa vie. Le nombre de dés avec lequel on joue au Yams, c'est 5 et non pas 3. Oh là là. Ça permet plus de combinaisons et malheureusement, ça ne vous fait que 2 bonnes réponses. Oh alors, cela dit, c'est le score à battre pour le moment. Bon, c'est jamais. Jouable. Alors, il faut toujours croire. Cindy, il faut toujours croire. En tout cas, vous avez d'ores et déjà gagné une montre RTL et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous la faire parvenir. Mais merci beaucoup. En Vendée où vous habitez, d'accord? D'accord, je vous remercie, je vous fais des gros bisous parce qu'on passe vraiment des bonnes matinées avec vous. Merci, vous on vous embrasse très fort. Ça fait très plaisir, on vous embrasse. Vous écoutez RTL 10h15. Vous voulez jouer avec nous? Vous appelez le 3210, nous serons là. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900, nous serons là. Et vous vous dites, j'aimerais écouter de la bonne musique, nous serons là aussi. Et c'est pour ça que nous sommes la toute première Radio de France. Baby, you've been gone so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for the love you bring won't mean a thing unless you sing. sur RTL. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Carrefour Market. En vacances, on prend le temps de cuisiner entre copains. Ce soir, paella au poulet. Je m'occupe des courses, Michel, jusqu'au 21 août chez Carrefour Market pour une barquette de cuisses et filets de poulet maître coq origine France achetée. La seconde est gratuite. Formidable. Et vous pouvez aussi apporter le dessert. Oui, c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Mes amis vont vous adorer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 980 grammes, blanc, jaune ou paprika. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, bougez plus. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été sur RTL ce matin en direct avec Teddy qui est à Saint-Georges-sur-Loire. Nous sommes dans le Maine-et-Loire, magnifique département. Bonjour Teddy. Bonjour Bruno. Bonjour Teddy, bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline, merci. Bienvenue sur RTL, vous êtes chauffeur-livreur. C'est ça. Arrêté sur le bas-côté ? Je suis arrêté à mon dépôt, là je livre à Orléans. D'accord, oui, parce que je vois que vous n'avez pas pu prendre de vacances cet été. Ben non, parce qu'en fait, je commence tout juste à retravailler. Ah, et oui, et donc forcément, il y a cette période où on ne peut pas prendre de vacances. C'est quoi ? C'est un an en général ? Là, j'ai un petit contrat de 3 mois. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, félicitations pour le fait d'avoir trouvé du travail. Merci. On va essayer de faire ça vite, que votre nouveau patron ne se dise pas, mais dites donc, ce serait pas Teddy qui est en train de jouer en direct sur RTL pendant ses horaires de travail. Et au pire, vous savez quoi ? Tout de suite, maintenant, on vous offre 2 montres RTL, une pour vous, une pour votre patron. Oui, voilà, on l'achète d'office. Voilà, et on fait ça d'office. Et là, on est en train de regarder. Ah, il a donné 2 montres RTL. Ouais. Non, mais c'est la direction d'RTL qui est derrière la vitre et qui... Voilà, Véronique qui s'occupe de cette émission m'a jeté un regard l'espace de 2 secondes. J'ai l'impression d'être en fait fait entrer l'accusé. 2 montres RTL, et j'en regarde ça, et le gars a pété les plombs. Scandale radio. L'offre 2 montres RTL. Bon, Teddy. Oui. Fan de foot. Bah oui. Vous supportez quelle équipe ? Nantes, c'est près de chez vous ? Marseille. Ah, très bien. Ah, ça fait là vous êtes heureux Bruno. Hein. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et puis alors vous êtes fan des années 80 et 90 en termes de musique. Voilà. Vous savez quoi ? J'en ai quelques-unes. Plutôt que de choisir le tout venant, ce qu'on entend dans toutes les compiles, sur toutes les radios, etc., j'ai gratté un peu. Années 80, je vous ai retrouvé ça. Oh. J'ai plus le nom, j'ai pas le nom. Le groupe s'appelait Moonray. Ah oui. J'aurais pas retrouvé le nom. Non, vous savez quoi ? Je crois que si on leur demande à eux, ils s'en souviennent plus non plus. Attendez, monsieur. Alors, là, ça chante la femme. Bien. Voilà, donc ça c'était pour les années 80 et années 90. Je vous ai trouvé autre chose pas mal aussi dans le genre. J'avais ça. Ah oui, Eiffel 65. Est-ce que je peux vous raconter les coulisses de l'émission ou pas ? Vous savez que j'aime bien le faire. Pendant que nous étions en train d'écouter ces morceaux des années 80-90, Caroline Diamant à mes côtés a voulu visiblement faire une manipulation sur son fauteuil et d'un seul coup. Elle vient de descendre d'un mètre au niveau du micro. Qu'est-ce qui vous arrive, Caroline ? J'en ai marre, vous m'obligez toujours à raconter ma vie. J'ai une petite douleur au genou. Je me suis dit, je suis placée trop haut sur mon siège. Je vais le baisser. Malheureusement, là, ça n'est pas sensible, la manette. Caroline, je vous rappelle juste que cette émission est en live vidéo sur RTL.fr. Les gens l'ont vu. Voilà, c'est juste pour ça, en fait. Je vais expliquer par l'image. Bon, Teddy, c'est justement Caroline qui va vous poser les questions. Alors, si entre chaque question, vous entendez, c'est qu'elle saute pour rejoindre le micro, hein, puisqu'elle a beaucoup baissé. Vous donnez un maximum de bonnes réponses, vous repartez avec un séjour à Disney. Le minima pour l'instant, c'est 2. D'accord ? D'accord. Vous êtes prêt, Teddy ? Ouais. Et bah, top chrono, c'est parti. Dans quelle prison Al Capone séjourna entre 1934 et 1938 ? Alcatraz. Quel nom porte le professionnel qui élève des abeilles ? Un agriculteur. À quel réalisateur de cartoons doit-on le personnage de Droopy ? Tex Avery. En 1967, de quoi Paulette est-elle la reine selon la chanson des Charlots ? Je passe. De quel instrument Charlie Oleg jouait-il pendant l'émission Tournée Manège ? Du piano. De quelle comédienne Sarah Giraudeau est-elle la fille? Je passe. Quelle charcuterie dégustez-vous si vous mangez de la rosette de Lyon? Du jambon. À quel humoriste doit-on les sketchs La Drague et Carton Rose? Du Bosque. Quelle locution d'origine latine signifie être sur le même rang? Je passe. Quel lien de parenté unit Hansel et Gretel dans le conte pour enfants? Frère et sœur. Quel insecte est associé à un coche dans une fable de La Fontaine? Je passe. La mouche du coche. C'est okay. La réponse qu'on attendait. Bon, Teddy, allez, on revient sur différentes réponses que vous avez pu nous donner avant de prendre connaissance de votre score. Alcatraz, c'est bel et bien dans cette prison que séjourna Al Capone entre 1934 et 1938, la prison d'Alcatraz que l'on trouve au large de la baie de San Francisco. Tex Avery est le réalisateur des cartoons à qui l'on doit le personnage de Droopy. You know what? I'm happy. Je suis fan. Et le loup de Tex Avery, extraordinaire. En 1967, de quoi Paulette est-elle la reine selon la chanson des Charlots? Et là aussi, je suis fan. Paulette, Paulette. Paulette, Paulette, tu me dis grâce à tes paupières, notre amour ne serait pas si beau. Si je n'aimais pas les paupières, les paupières. L'excellent Gérard Rinaldi et la bande des Charlots, mais il y avait ça, il y avait aussi Merci Patron, il y avait le duo sur le chou-fleur avec Eddie Mitchell, il y en avait mille. Voilà, c'était mon petit passage, petite pensée aux Charlots, grosse troupe qu'on a beaucoup vu au cinéma dans les années 70. De quel instrument Charlie Oleg jouait-il pendant l'émission Tournée Manège? Vous avez dit du piano, moi honnêtement je l'aurais accepté. Mais l'équipe qui rédige les questions m'a fait signe en disant non, et elle me l'a marqué sur le papier, Véronique, le piano et l'orgue, c'est différent. C'est vrai. Alors déjà, je vous donne deux montres RTL, si en plus je vous accepte le piano, je peux vous dire que ça a très mal se finir. C'est Annie Dupéret, la maman de Sarah Giraudeau, et le papa, c'est bien entendu le regretté Bernard Giraudeau. Le saucisson, c'est la rosette de Lyon et pas le jambon. Franck Dubosc, on en avait besoin tout à l'heure, mais là j'aurais aimé Guy Bedos pour les sketchs de La Drague et du Carton Rose. La Drague avec Sophie Daumier. Bien joué, Jeannot. Elle est à point là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Berk. Berk, berk, berk, berk, berk. Et il voilà m'a mordu. Le travail. Il m'a mordu le lobe de l'oreille. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Excellent, Guy Bedos. Et la locution latine qui signifie être sur le même rang, c'est être ex aequo. Teddy. Oui. Vous êtes en tête. Ah. 4 bonnes réponses, c'est pas mal, Teddy. Merci, mais à mon avis. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris? La réponse, vous l'aurez tout à l'heure avant 11h. Teddy, on vous embrasse et on va vous saluer sur un autre tube des années 80 pour le plaisir, d'accord? D'accord, merci. Bisous. Bisous. Bisous, Caroline. Vous appelez le 3210. Vous jouez en direct sur l'antenne d'RTL. Vous repartez avec des séjours à Disneyland Paris. Ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Retrouvez-moi tout l'été dans RTL Petit Matin dès 5h pour un réveil 100% bonne humeur. Des infos, des fous rires, de la musique, l'horoscope et des cadeaux. D'ailleurs, envoyez-moi dès maintenant le mot matin au 64 900 et c'est moi qui vous réveille avec le cadeau réveil tous les matins juste avant 6h sur RTL bien sûr. 65 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Bonne année scolaire avec Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bics. Voilà, et tes cahiers? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine. Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. À tous ceux qui rêvent d'une rentrée à petit prix, jusqu'au 13 septembre, les tops de la rentrée sont chez Conforama. Par exemple, le bureau Zoé est à 74,99€ au lieu de 89,99€, soit 15€ de remise. Si c'est pas un petit prix qui donne envie de travailler, ça... Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. C'est un tout nouvel artiste français. Il s'appelle Navi, puisque à l'envers, ça fait Yvan. C'est son vrai prénom. C'est tout de suite. J'écoute du Miles Davis. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Les larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. La nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Que tu m'aimes au fond de cette spirale. Ce fan, les chrysanthèmes. Ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. J'écoute du Miles Davis et l'excellent Navi sur RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Hello, nous sommes toujours là, vous êtes toujours là. Nous sommes ensemble, nous nous amusons et nous accueillons tout de suite Héloïse. Bonjour. Bonjour Caroline, Héloïse. Bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL, Héloïse, en pleine Merci. Forme, ça fait plaisir. Merci. Alors, vous êtes commerciale dans le prêt-à-porter. C'est ça. Donc pour femmes, pour hommes? Pour femmes, pour enfants et bébés. Ah très bien, vous êtes voilà. Mignon. Et vous habitiez, alors je vais vous laisser prononcer pour pas faire de bêtises. Bah Quenoy-sur-Dol. C'est ça, impec, bravo Bruno. D'accord, mais c'est pas, mon problème n'est pas tant, c'est plutôt l'écriture si vous voulez avec laquelle. Et vous habitez donc dans le Nord. C'est ça, voilà, à côté de Lille à 10 minutes. Et visiblement, vous avez des petites mésaventures qui vous arrivent à chaque fois que vous allez à un concert. Racontez-nous ça, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, pas à chaque fois, mais je dirais deux fois de suite, hein, j'ai été à un concert. La première fois, j'ai oublié mon portefeuille, donc j'ai perdu tous mes papiers. Et la seconde fois, j'ai voulu aller dans la fosse pour être dans l'ambiance et tout, sauf que j'ai perdu mon pantalon. On était... Alors attendez, c'est une fosse au lion pour perdre votre pantalon? Comment on perd son pantalon dans une fosse? Vous avez perdu 2 kilos pendant le concert, peut-être. Il faisait tellement chaud, on était tous serrés, il y a eu un mouvement de foule, mon pantalon a commencé à glisser, Je peux plus bouger. Moi, c'est la gaine qui soutient, donc. Mais, Héloïse, cette excuse, ouais. Votre petite amie l'a cru ou pas quand il vous a retrouvé cul nu à la sortie du concert? Après, j'ai réussi à le remonter quand même, mais voilà. Ça s'est bien terminé. Voilà. Je te jure que j'ai perdu mon pantalon dans la fosse. Et ouais. Bon, Héloïse. Oui. Record à battre sur 7 heures, c'est 4. Je vous pose les questions, si vous le voulez bien. J'aimerais bien, ouais. Et très bien. Donc nous allons le faire. Je vous pose des questions, vous essayez de donner un maximum de bonnes réponses, plus de 4 pour gagner le séjour en tout cas, d'accord? D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Gardez votre pantalon, top chrono, c'est parti. Qui interprète la chanson Beau Malheur en 2013? Je sais pas. Quelle est la couleur dominante du visage d'une personne rubiconde? Rouge. Quelle personnalité préside depuis 1990 l'opération Pièce Jaune? C'est Bernadette Chirac. Quel type de devinette commence par mon premier et finit par mon tout? Une charade. Quand elle a moins de 2 mois, quel nom porte la petite du canard? Caneton. De quelle plante potagère le brocoli est-il une variété? Les choux. À quel métal faut-il allier au zinc pour obtenir du laiton? Du cuivre. Quel fut le premier nom du paquebot rebaptisé Norway puis Blue Lady? Le Normandie. Quel commissaire Jean Richard a-t-il incarné à la télévision? Je sais pas. Quelle figure de style désigne une longue et ennuyeuse énumération? Une litote. De quel sport Thierry Rey a-t-il été champion olympique? Du dos. Quel cinéaste a réalisé le film Les Oiseaux? Hitchcock. Oui, c'est Alfred Hitchcock. Et alors moi, je vous avoue que depuis ça, je suis pas fan du pigeon. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Le pigeon, les oiseaux, c'est extraordinaire ce film. Oui, ça, c'est un film extraordinaire. On a eu la chance de le voir il y a longtemps, mais quand on le revoit, je vous avoue que les effets spéciaux ont tellement progressé que quand même, ça a pris un petit coup de vieux. Ouais, enfin quand même. On ne se ment pas. Bon, allez, on revient sur vos réponses avec Caroline Chiarello-Lise. D'accord. L'interprète de la chanson Beau Malheur en 2013, c'est le beau Emmanuel Moire. Ah oui. Je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur. Moire. J'aime beaucoup Emmanuel Moire. Moire, c'est moi. Alors, les autres réponses, chère Caroline. Alors, quand elle a moins de 2 mois, quel nom porte la petite du canard? Eh bien, on l'appelle la canette. Ah oui. Et vous avez dit que la plante potagère, le brocoli, est une variété de choux. Oui, c'est une variété de choux, c'est plutôt une variété de chou-fleur, mais nous vous acceptons le chou, bien okay, entendu. Merci. Vous avez donné une bonne réponse avec le cuivre. Le commissaire Jean Richard a incarné à la télévision l'inspecteur Maigret, écoutez sa voix. Oui, mort. Dis-moi, Cécile est revenue? Bon, file au parquet, essaie de voir personnellement le procureur, moi je reste ici. Préviens aussi d'identité. Si par miracle Cécile se présentait... Ah non, je t'en prie, c'est pas le moment de rire, hein. Moi j'adorais Jean Richard. Alors après c'est Bruno Kremer qui a repris, je crois, de mémoire le rôle de Maigret. Oui. Mais Jean Richard, moi j'ai des souvenirs petits, j'adorais Jean Richard. C'est la bien lui qui avait toujours sa pipe à la bouche. Bien sûr. Me regardez pas en faisant ce signe-là, j'ai failli répondre quelque chose d'autre. Oui, c'était Jean Richard. Quel fut le premier nom du paquebot rebaptisé Norway puis Blue Lady? Eh bien, ce n'est pas le Normandie, mais le France. Ah oui, exactement. Ne m'appelez plus jamais. Jean Richard qui était patron de cirque. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Eh bien, écoutez, le record à battre pour cette deuxième heure était de 4 bonnes réponses. Et j'ai l'excellente nouvelle à vous annoncer. Ah, vous avez 7 bonnes réponses. Oh, super.

jour je m'en vais. Ce que je voudrais de nous emporter avant tout, c'est le sucre et le miel et le peu que l'on sait n'être qu'à Je me disais que si je dis à l'antenne maintenant que je suis fan des Innocents, les auditeurs d'RTL vont dire mais ce gars est fan de tout en fait. Eh ben oui un peu. Bah, j'adore les Innocents. Vous avez raison de les adorer parce que magnifique voix. Ils font le tour des festivals cet été car ils se sont reformés pour notre plus grand plaisir. C'était l'autre Finistère sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Grand quiz de l'été, il faut battre désormais Héloïse. Héloïse a donné 7 bonnes réponses tout à l'heure au questionnaire que je lui ai posé. Et peut-être Nelly va faire mieux. C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Bonjour Nelly. Bonjour Bruno. Bonjour Nelly. Bonjour Caroline. Très contente de vous avoir. Et ben vous savez quoi Nelly, je suis ravie de vous avoir également. Vous êtes enquêtrice. C'est ça. C'est-à-dire tester des petits produits. Ben, c'est-à-dire que quand une marque veut sortir des nouveaux produits, avant de les mettre sur le marché, ils les font tester avant les panels de consommation. Et moi, je suis chargée de trouver ce fameux panel de consommation. D'accord. Mais c'est ce qui s'est passé avec Caroline et moi. ne dites pas ce qu'on a testé sur nous. avant de nous mettre en direct sur l'antenne d'RTL, on a été testé. Moi, j'ai été testé au Nutella, ça c'est sûr. Et je le suis encore régulièrement. Nelly. Elle a fait du mal à votre prénom, cette Nelly Olson. Non, pas ça. Ouais. La méchante Nelly. Mais oui, la méchante Nelly Olson, qui s'avère être quelqu'un d'exquis dans la vraie vie. Hein. Une nana très sympa. Et très drôle, oui. Mais elle a fait des interviews il n'y a pas longtemps. Dans la série, quand même. Bah oui, mais... Déjà, la pauvre Marie, elle était aveugle. Alors, en plus, on lui filait Nelly Olson entre les bras. Franchement... Oui, c'est Olson, d'ailleurs. C'est pas Nelly Olson. Nelly. Oui. Je vois que sur votre fiche qu'il y a écrit « All by myself ». Mais c'est écrit vraiment oui, bien, pas comme je l'ai prononcé. Alors, vous pensez à la chanson de Céline Dion ? Non, Eric Carmen, l'original. Eh ben, vous savez quoi ? Vous me faites plaisir, je l'avais calé. Parce que la version originale, c'est celle-ci. Tout à fait. Et Nelly, c'est vrai qu'avec le talent de Céline Dion, on a tendance à penser désormais qu'à cette version, mais l'original, vous l'avez souligné, c'était Eric Carmen. Bon, Nelly, eh bien, c'est le moment de jouer, vous le savez. C'est cette bonne réponse qu'il va falloir donner à minima pour espérer gagner le séjour à la fin de cette heure. Est-ce que vous êtes prête ? Je le rappelle, je ne l'ai pas dit ce matin, mais c'est important. Si jamais vous ne savez pas ou si jamais vous hésitez, vous passez, d'accord ? D'accord. Et Nelly, faisons que vous ayez un bon score pour que, à la fin de ce questionnaire, nous puissions tous vous souhaiter une bonne fête, car aujourd'hui, c'est la Saint-Nelly. Exactement, c'est ma fête. Eh bien, bonne fête, Nelly. Bonne fête à Merci. Vous. Merci. C'est parti pour le questionnaire top chrono. Quel label distingue depuis 1985 les plages et les bords les plus propres ? Le pavillon bleu. Dans une salle de spectacle, quel siège d'appoint se plie tout seul ? Rapontin. Quel saut pratique-t-on avec la technique Foxbury ? Saut en hauteur. Quel nouveau moyen de transport est inauguré le 22 septembre 1981 ? Nouveau moyen de transport, métro. Tramway. Dans quelle comédie musicale peut-on croiser une serveuse automate ? Sarmania. Quel jeu d'esprit consiste à remplacer des syllabes par des petits dessins ? Rébus. Quel nom porte la surface de cordage d'une raquette de tennis ? La trame. Quel est le métier de Rouletabille, le héros créé par Gaston Leroux ? Journaliste. Avec le lait de quel fruit fabrique-t-on le sirop d'orgeat ? L'orge. Je sais pas. Comment appelle-t-on les habitants de Sochaux ? Les Sochaliens. Alors attendez, là, je vais vous demander de le répéter bien que nous puissions comprendre. Vous avez dit dans le genre ridicule. Non, très honnêtement, ce n'est pas pour me moquer, c'est que ça peut tout changer. Sochalien. Je ne pense pas que c'est ça. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est Sochalien. Et oui. Et pourquoi comme je quoi. Dis que tout cela pouvait changer, c'est que sans cette réponse, vous étiez à 6 avec les Sochaliens. Vous je êtes. Vous êtes. Ah non, mais vous êtes même à 8. Ah bah vous savez quoi. Oh là là là. Mais c'est bizarre. Nelly, on va revenir sur quelques-unes de vos réponses. Oui. En 1981, c'est pas le tramway qui a été inauguré. Oui. Il existait depuis bien longtemps, le tramway. Ben oui. C'est le TGV. Ah, mais oui. Oh, j'aurais cru ça plus vieux, tiens. Starmania, c'est en effet la complainte de la serveuse automate. Quel nom porte la surface de cordage d'une raquette de tennis ? Vous avez dit la trame. Non, c'est le tamis. Ça, c'est le tamis. C'est le tamis. Journaliste, c'est la profession de Rouletabille dans les nouvelles de Gaston Leroux. Avec le lait de quel fruit fabrique-t-on le sirop d'orgeat ? Et là, vous m'aviez dit l'orge. C'est pour ça que je ne savais pas si on vous accordait le point ou pas. On attendait l'amande. Mais ça marche. Oui. Décoction d'orge avec, c'est aujourd'hui du lait d'amande et de l'eau de fleurs d'oranger. Donc, vous le savez. 8 bonnes réponses. Nelly, vous êtes en tête. Super. Eh ben dites donc, j'ai de la chance aujourd'hui. Sera suffisant pour repartir avec le séjour. Oui, et là, j'espère qu'il va pas y avoir des meilleurs que moi. Eh bien, peut-être que nous aurons le temps de jouer une nouvelle fois. Nous allons le voir avant 11h du matin, mais dans un premier temps, on vous offre une montre RTL, Nelly, d'accord ? Oh, ben c'est super. C'est on super. Vous embrasse. Merci beaucoup Bruno et Caroline. Bisous Nelly. Bisous, au revoir. 30 de 10. Je regarde Véronique qui gère d'une main de maître cette émission. Est-ce que nous aurons le temps de rejouer avant 11h du matin ? Elle dira oui. 30 de 10 pour repartir avec un séjour. Bon courage. Chers parents, à vos agendas. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Ça démarre quand ? C'est maintenant, avec des prix hallucinants sur la papeterie. À vous les bonnes notes en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont déjà chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 16 au 28 août, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Du 23 au 28 août, le cinéma est à l'honneur au film francophone d'Angoulême. Un jury d'exception, co-présidé par l'expert Gilles Jacob et la talentueuse Virginie Efira. 10 films en compétition venus de la francophonie et inédits en France. 16 avant-premières, en exclusivité mondiale, un focus sur l'œuvre de la réalisatrice Catherine Corsini et le cinéma libanais mis à l'honneur. Le festival du film francophone d'Angoulême, du 23 au 28 août, avec RTL. Avec le petit Théo qui fait un foot. Oui, chaussures de football Agility 500 au pied. Avec leur amorti exceptionnel, ces chaussures lui permettent de dribbler tous ses adversaires. Attention, il accélère et bute. Ah, Théo, meilleur buteur de la saison. Meilleur buteur de la cour de récré. Exactement. Chez Decathlon, du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec les chaussures de football junior Agility 500 de Kipsta à seulement 19,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et nous accueillons tout de suite une nouvelle candidate. Bonjour Débie. Bonjour Caroline. Bonjour Débie. Bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL. Je vous remercie. Débie, vous l'avez entendu, vous avez un score à battre. Ce score, c'est 8 bonnes réponses. Alors, il faut soit l'égaler, soit le battre pour gagner le séjour à Disneyland Paris. Vous habitez Pontoise, vous êtes tout près de nous. Oui, tout à fait. Et vous êtes gérante. Je travaille dans un restaurant pas très loin de vous. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Ah, vous êtes dans un restaurant d'entreprise, c'est pour ça ? Exactement. Oui. D'accord. Donc, ben, à l'occasion, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, à l'occasion. Mais attendez, est-ce que vous travaillez dans... Est-ce que ce restaurant d'entreprise fournit de temps en temps la cantine d'RTL? Non, malheureusement. Ah non, d'accord. Non. Ah. Les odeurs dans vos studios, c'est pas moi, voilà. Bah, écoutez, là, pour l'instant, c'est assez calme, les odeurs. Bah oui. Non, et franchement, à RTL, on est assez bien lotis niveau cantine, hein, vraiment. Oui, je ne sais pas, je n'y suis jamais invité. Ah, ah, c'est comme ça, on madame, m'interdit l'accès de la cantine. Madame déjeune dans des grands restaurants avec des gens du show business. Donc forcément, la cantine, c'est pas... Mais quelle honte. Oui, je déjeune au Trianon à Versailles. On n'est pas trop dans l'ambiance plateau repas et la salade maïs tombe. J'ai mon chauffeur qui m'emmène et me ramène. Vous aimez les danses de salon? Oui, un petit peu de danse de salon, oui. C'est sympa, c'est social, ça permet de rencontrer du monde. C'est voilà. Pas bête, j'ai envie de me mettre à la salsa. C'est surtout pour le partenaire, parce que la danse, je m'en fous un peu, mais en tout cas, c'est Bruno qui va vous poser des questions. Ouais. Je vous pose des questions. Vous êtes au courant de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez 7 bonnes réponses, bah, vous pouvez... Non, d'ailleurs, c'est 8 bonnes réponses. Si vous avez 8 bonnes réponses, vous pouvez espérer gagner le séjour à la fin de l'heure. Et puis, si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez en plus gagner un chèque de 1000 euros. Super. Eh bah, bien, Déby, je vous pose des questions. Si vous êtes prête, on y va. On y va. C'est parti. Top chrono, c'est parti. Quelle expression italienne désigne le juste degré de cuisson des pâtes? Al dente. Combien de doigts l'autruche possède-t-elle à chaque pâte? 4. Quelle chanteuse interprète le titre Tandem en 1990? Vanessa Paradis. Dans le sigle du CSA, que signifie la lettre S? Syndicat. Sur quel continent les montagnes de l'Atlas sont-elles situées? Asie. Sur une télécommande, quelle touche a pour symbole deux traits verticaux? Arrêt. Dans Adieu Poulet, qui incarne le commissaire patron de Patrick Devers? Je ne sais pas. Dans l'Égypte ancienne, qui était chargé de rédiger les actes administratifs ou juridiques? Le scribe. Avec quel mannequin Mick Jagger a-t-il eu 4 enfants? Je ne sais, je passe. En Israël, quelle exploitation agricole fonctionne en coopérative? Je passe. Le kibbutz. Et je peux vous dire que le kibbutz, vous me le placez au Scrabble sur un mot compte triple et vous pouvez aller boire un verre, vous êtes sûr de gagner la partie. Ouais, là, j'ai pas gagné celle-ci, malheureusement. Alors, on va revenir sur vos réponses, Debbie. On va revenir sur vos réponses avec Caroline Diamant. Alors, l'expression italienne qui désigne le juste degré de cuisson des pâtes, vous avez dit al dente, c'est une bonne réponse. Même si chacun a le droit de choisir sa cuisson préférée, pour moi, je trouve que c'est un tout petit peu dur et je préfère quand elles sont un peu plus cuites. Moi, j'aime bien al dente. C'est qu'en général, pour voir si une pâte est cuite al dente, il faut la jeter contre le mur et si elle reste accrochée, eh bien, c'est qu'elle est al dente. C'est vrai, et j'en ai plein mon mur, ça descend ma cuisine. Combien de doigts l'autruche possède-t-elle à chaque pâte? Alors, vous avez dit 4. Pourquoi pas, mais en l'occurrence, c'est 2. Ah. Et je ne frime pas parce que je ne le savais pas avant de lire la question. Heureusement qu'elles portent pas de gants, les autruches. Bah si, c'est plus facile à tricoter pour le coup. Mais c'est vrai. Quelle chanteuse interprète le titre Tandem en 1990? Effectivement, c'est notre Vanessa Paradis. Elle était sexy au possible dans le clip vidéo. Ouais. Ah oui. Mondino? Clip de Mondino. Et bien sûr, dans l'album écrit par Serge Gainsbourg. Qui ça? Serge Gainsbourg. Oh, oh, je vais me venger. Ça va appeler une vengeance. Ça, ne bafouillez jamais. Plus jamais. Dans le sigle du CSA, la lettre S signifie supérieur, conseil supérieur de l'audiovisuel. Le continent des montagnes de l'Atlas sont situés en Afrique. Donc, vous voulez ramener l'Asie. Et enfin, la télécommande, les deux symboles, les deux traits verticaux, c'est pour mettre... Alors, l'arrêt, c'est pause, définitive, oui, mais c'est pause, pause. Parce qu'on peut redémarrer. Oui, parce que stop, c'est le carré blanc. Exactement. Ou noir, suivant la couleur de la télécommande. Souvent, c'est blanc. Donc, souvent, la télécommande... Moi, c'est noir, mais je pense que ça n'intéresse personne. C'est Lino Ventura qui incarne le commissaire patron de Patrick Devers dans Adieu Poulet. Extrait. Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi, Lefebvre? Parce que j'étais feignant, parce que... J'avais aucune capacité et puis que là... Ouais, c'est pareil. J'ai été flic 24 heures sur 24 pendant 30 ans et je sais pas non plus pourquoi, tu vois. Je vais vous dire que j'étais fan de Lino Ventura aussi, mais oui. Bon, voilà, je... Non, mais on le découvre depuis le début de cet été. Mais oui, j'aime beaucoup. Bon, alors, cher Déby, Combien de bonnes réponses? Nous allons vous le dire juste après ça. Ah. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros, magasin participant sur bricomarché.com. C'est toujours avant l'été que je me dis qu'il faut que je m'incise. Alors j'ai commencé comme jamais il y a 2 mois et j'ai déjà perdu 8 kilos. Et moi j'ai eu le déclic il y a seulement 15 jours quand je me suis vu en maillot sur la plage avec ma grosse bedaine. Et là, j'en suis déjà à moins 4 kilos avec comme j'aime. Nouveau, comme j'aime lance cet été Turbo Plus pour perdre vos 5 premiers kilos encore plus vite. Testez une semaine sans payer, puis bénéficiez jusqu'à 45% de réduction. En plus, le coaching et la livraison sont gratuits. Appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Nous avons joué il y a quelques secondes avec Debbie. Debbie, vous avez donné 3 bonnes réponses. Non, pas du tout. Mais vous savez, ça dépend des questions qui sont posées. Il y a le stress, il y a tout qui va avec. Mais ça vous permet quand même de repartir avec une montre RTL, Debbie, d'accord? Merci. On vous embrasse. Mais merci, c'est gentil. Bah, merci à vous deux et bonne journée. Merci, eh ben, bisous, Debbie. Elle est de retour et elle a joué avec nous en direct tout à l'heure. Nelly ? Oui. Vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Ouais, super. Merci beaucoup, c'est super adorable. Le jour de ma fête, encore mieux. Et ben voilà, bonne fête content. À vous. Ah ben oui. Séjour pour 4 personnes. Vous serez logés à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous aurez votre déjeuner pour vous et vos amis, puisque c'est pour 4. Accès illimité aux 2 parcs, Walt super. Disney Studios et Disneyland Paris. Et vous pourrez découvrir le nouveau spectacle Mickey, le magicien, et chanter avec les héros de la Reine des Neiges dans une fête complètement givrée. Super, merci beaucoup, c'est vraiment super, ça me fait très très plaisir. Eh bien, nous sommes ravis pour vous. Merci. On vous embrasse. Bonne journée à vous, merci aussi. Merci et encore bonne fête. Au revoir. Merci. Bon, c'est fini déjà. Ah oui. Vous savez à quoi je le vois que c'est fini cette émission? C'est que le carrosse de Caroline Diamant est en double fil dans la rue Bayard. C'est pas un carrosse, c'est une chaise à porteur. Voilà, donc... Ils sont 12 de l'équipe de judo de France. Donc ils vont repartir avec Caroline pendant que moi je vais monter dans mon petit véhicule. Voilà, oui. Essayez de passer dans la rue. Et on sera là demain à partir de 9h15 pour un nouveau rendez-vous du grand quiz de l'été. Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos avec Gauthier Delombugard. Merci Caroline, Bruno, à demain et bonjour à tous. À la une de l'actualité, les Jeux Olympiques de Rio. RTL, Rio 2016. L'équitation tricolore en or, l'équipe de France de saut d'obstacle grimpe sur la première marche du podium. Une seule autre médaille hier en athlétisme. Mayedine Mekissi prend le bronze sur 3000 mètres steeple après la disqualification du coureur kényan Ezekiel Kemboi. Troisième podium de suite pour le tricolore après les Jeux de Pékin et Londres. Un autre Français a brillé sur la piste. Christophe Lemaître se qualifie pour la finale du 200 mètres aux côtés du roi Usain Bolt. La boxeuse Estelle Mosselli a remporté sa demi-finale en moins de 60 kilos. Elle jouera alors demain sur le ring. En handball, les experts sont en route vers le triplé olympique après leur victoire en quart de finale 34-27 face au Brésil. Il faudra désormais battre les Allemands pour espérer aller décrocher l'or. Une médaille, c'était leur objectif, mais tout s'écroule. Énorme déception pour les basketteurs français. Tony Parker dit adieu aux Bleus sur une lourde défaite face à l'Espagne 92-67 en quart de finale. À suivre aujourd'hui, les séries du relais 4x100 mètres, masculin et féminin, les quarts de finale du BMX avec de bonnes chances françaises et l'épreuve de triathlon dans laquelle 3 athlètes tricolores sont engagés. Dans le reste de l'actualité, le taux de chômage a repris sa décrue. Au deuxième trimestre, il recule de 0,3 points et se situe autour de 9,6% en métropole, avec près de 2,8 millions de chômeurs. 3 alpinistes sont morts hier dans le massif du Mont Blanc. Les victimes sont 2 femmes, une Slovaque et une Anglo-Polonaise, ainsi que leur guide allemand. Elles ont été emportées par une avalanche de sérac, de gros blocs de glace dans un couloir du Mont Maudit. Leurs corps ont été retrouvés, l'enquête confiée au PGHM de Chamonix. Une personne est toujours à l'hôpital ce matin, prise